donc un peu les filles. Allez, ouais, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici à la maison. Non, on n'est pas sur RIG, même s'il y a marqué, non, c'est l'inverse, même s'il y a marqué RIG en direct, oui, mais c'est du direct, voilà. C'est l'émission Johnny de A à Z sur RIG en principe, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Mais en cette période de confinement, eh bien donc, écoutez, on va faire une petite émission à la maison. Bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, et on va faire une heure d'émission avec le thème confiné live. Qu'est-ce que ça veut dire confiné live? Eh bien, tout simplement, je vais diffuser des titres de Johnny Hallyday avec un petit groupe. Voilà, pof, petit. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a 50, on va dire. Hein? Bon, faut pas trop. Ouais, on est en période de confinage, donc faut pas. Allez. Si on attaquait tout de suite, oui, non mais justement, on va dire en gros bienvenue à toutes et à tous hein, qui venaient suivre cette émission aujourd'hui à 17h et demain, on devrait avoir la suite aussi à 17h, hein ? D'accord ? Vous prenez note, on en reparlera. Et puis donc, cette émission est enregistrée en live, donc vous pouvez la revisionner autant de fois que vous le voudrez. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui ? Regardez un peu, j'ai ma petite liste, oui, ça a été vite fait. On va retrouver Johnny Hallyday dans les années 60, dans les années 70, dans les années 2000 également. Et on terminera par la fameuse session 10 heures où Johnny avait répété son concert, le concert Restez Vivant Tour. Et si on commençait tout de suite cette petite émission d'une heure, ben oui, il ne faut pas trop abuser non plus. Hein. On verra plus tard pour faire encore plus longtemps. Si on commençait tout de suite par l'émission Soyez les Bienvenus, qui date donc du 12 juillet 1962, et Johnny Hallyday était interviewé par Gilbert Richard, et Johnny interprétait deux ou trois chansons. Alors, hop, je me retourne. Mais oui, c'est tout à fait différent par rapport à la radio. Hein. Il faut faire ça en direct parce qu'il y a un PC ici et il y a un PC là devant. Voilà, et je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Voilà, il y a le PC là. Il y a Johnny Hallyday à la télévision, bien sûr. Et puis, il y a moi derrière le micro. Allez, c'est parti. On va envoyer tout de suite la petite session suivante. Johnny Hallyday. Dans l'émission Soyez les Bienvenus du 18 juillet 1962. Bonne émission à toutes et à tous. Mais ouais. Je te présente Bobino. Bobino, c'est notre petit chien et c'est lui notre chien reporter que tu reçois aujourd'hui. Ah bon ? Moi, je te présente Lobby. C'est mon petit chien. Bonjour, Lobby. Bonjour. Allez, donc, allez jouer maintenant. Allez vous amuser. C'est très chic de nous recevoir chez toi. Et tu sais que nous sommes en contact avec énormément de jeunes en ce qui nous concerne, mais je crois que toi aussi, tu as beaucoup d'amis très très jeunes. Alors, oui, je vais te demander, ça ne te dérange pas trop dans la rue d'être harcelé par les petits, par les... Non, tu sais, je trouve ça très sympathique, moi. Alors justement, pour Soyez les Bienvenus, nous avons pour habitude d'aller interviewer des personnalités de 30, 40, 50, 60 ans. Et leur demander, même plus, tu vois, leur demander quel genre de petits garçons ils étaient lorsqu'ils avaient 10 ans. Je sais pas de faire ça à toi, parce qu'à 19 ans, bien entendu, ce n'est pas tellement vieux. Mais par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel genre d'homme tu penses être quand tu auras, toi, 40 ans. C'est vieux, ça, disons. Moi, je pensais jusqu'à 30 ans. Disons, entre 30 et 40, si tu veux, mais c'est pas tellement vieux, je t'assure. Oui. Et qu'est-ce que tu veux exactement savoir quel genre d'homme dans la vie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que tu chanteras encore du rock? Parce que je crois que le rock, c'est quand même... Écoute, je dis pas que le rock ça ne durera pas, mais je sais pas moi, à 40 ans, ce que je ferai, de toute façon, je serai toujours dans le métier artistique. Ah, parce que ça ne pas. Moi, je ne vis que pour ce métier, j'adore ce métier. je ne sais pas exactement ce que je ferai à 40 ans, mais je serai toujours dans le même métier, si je suis pas mort. Tiens, écoute plutôt ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Well, je les connais là, là, en disant le ya-ya. Dieu d'a aidé à l'instant dans l'émission « Soyez les bienvenus ». Oui, soyez les bienvenus, vous aussi également qui regardez cette petite vidéo. Et puis j'ai fait une petite erreur, je l'ai mis sur mon profil au lieu de mettre directement sur la case « Jolie de A à Z ». Il est trop tard pour rectifier ça, malheureusement, donc j'ai fait un petit partage. Allez, maintenant on va retrouver Dieu d'a aidé sur Europe 1, c'était le 22 avril 1969, avec il interprétait la chanson « Que je t'aime ». C'était la première fois que Johnny interprétait cette chanson-là, juste avant cette, donc, son apparition sur... en 45 tours, oui, tout à fait. Et juste avant le spectacle également. On écoute ça tout de suite. Et j'appuie sur le bouton. Hop là! Alors, Johnny Phénomène, on change de place, on va jusqu'au piano. Oui, enfin, je vais essayer. Je vous garantis rien parce que. On peut vous dire une chose, c'est qu'elle est vraiment toute nouvelle. Elle n'a pas encore été répétée en orchestre. Et... Musique de Jean Renard, paroles de Gilles Thibault et Johnny Hallyday va se débrouiller au piano avec ça, enfin, avec un de ses complices. On va voir ce que ça peut donner. Un verre d'eau, je signale. Bon. Soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite fois. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime, oh. Que je t'aime, que je t'aime. Voilà. Mode là, j'ai l'impression que vous venez d'assister à la naissance d'un tube. Les complices, Jean Renard, Gilles Thibault, Johnny Hallyday. Et voilà ma chère Simone, tout à fait. Oui, bienvenue donc sur l'émission Johnny 2 à Z. Et nous sommes en mode confiné et on se retrouve sur l'émission Europe 1. On revient à Europe 1, mais quelques années plus tard, 4 ans plus tard, c'était le 5 janvier 1973. Et encore, la date est encore imprécise. Il y en a qui parlent encore de décembre 72 par rapport à l'extrait radio que nous allons diffuser, que je vais du moins vous diffuser. Et ce sera le titre. On va retrouver Johnny Hallyday donc en compagnie de Michel Mallory. Ils vont nous interpréter Tes tendres années, Ma main au feu et Tu peux partir si tu veux. Oui. On n'est pas à la radio en direct, ouais, c'est beaucoup plus simple, il faut que j'ai la tête partout, partout, partout, partout, même ici, devant vous. J'attendrai enfin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Là maintenant, on m'entend, Bon. Là maintenant, j'ai besoin de Michel. Michel ? Oh, Mallory ! Où il est ? Il est là. Ah, c'est toi. Dis-moi, je ne me souviens pas avoir entendu cette chanson enregistrée, là. Mes tendres années. Je l'ai enregistrée il y a 10 ans. Il y a 10 ans ? Je l'ai chantée hier soir. Oui. À une Cadet certaine Roussel. Émission que je ne nommerai pas, puisqu'il ne faut pas faire publicité. Surtout pas pour Cadet Roussel. Voilà. Et pour notre ami à tous. J'ai voulu la rechanter parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le country western, alors voilà, je l'ai rechanté, puis j'ai l'intention de la réenregistrer avec une nouvelle orchestration. Et elle fait partie des chansons que j'aime beaucoup, quoi. Pourquoi as-tu besoin de Michel, là? J'ai besoin de Michel parce qu'on va faire une chanson ensemble. Bon, bah t'es prévu, oui, une chanson qu'il a écrite pour moi, d'ailleurs, mais j'ai besoin de lui parce qu'il y a certaines paroles que je me souviens plus. Bon, tu es prêt, Michel? Alors, tu vas commencer, hein. Je commence. Quelqu'un dit que tous les hommes venaient au monde égaux entre eux et que l'argent, ah oui, j'en mettrai pas ma main au feu. autant que nous deux. J'en mettrai pas ma main au feu. Parfois pour oublier ma haine, j'ai dû vraiment faire de mon mieux. M'étendre l'autre jour pour qu'on me frappe un peu. Ah non, j'en mettrai pas ma main au feu. M'étendre l'autre jour pour qu'on me frappe un peu. Là, j'en mettrai pas ma main au feu. Mes amis, je l'avoue des yeux, qu'il n'y en ait pas un parmi eux qui soit ton Dieu. J'en mettrai pas la main au feu. Je trouve la terre bien trop belle pour que des fous la cassent en deux. Une autre. Il nous reste tout juste le temps d'écouter encore une chanson. Je voudrais surtout vous dire une chose. Des autographes, il y en aura pour tout le monde. Johnny va rester afin de vous donner des autographes. Donc, s'il vous plaît, à la fin de la chanson, vous restez tous en place. Johnny va pas bouger. Et comme ça, ça se passera bien. Moi, je vous propose de terminer cette émission sur Tu peux partir. T'es d'accord, Johnny? Oui, d'accord. Alors, tu restes après, hein. Tu peux partir, mais tu restes. Ça dépend avec qui. Avec eux. Allez-y. Battre de vos pas. rien ne nous sépare. Je suis fait pour toi et toi d'amour. Mes amis, ainsi s'achève cette émission exceptionnelle avec Johnny Hallyday et ses amis. J'espère que vous avez passé avec nous une heure agréable. Sinon, rendez-vous à lundi à 5h30 sur... Non, à 6h à l'antenne, à 5h30 dans le hall d'Europe numéro 1. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À l'instant, l'émission d'Europe 1, c'était le 5 janvier, à préciser, 5 janvier 1973. On retourne, en route, on reste à Europe 1. Il faut préciser que Universal a des droits d'exploitation des archives de Europe 1. Et à l'époque, voilà. Et il n'y a que Europe 1. RTL a perdu toutes ses archives. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, RTL enregistrait, diffusait, et une fois que c'était diffusé, ils effaçaient. Ou sinon, ils détruisaient les bandes une fois que vous êtes trop vieilles. Donc, ne comptez pas ce qu'on ait des archives de RTL sur Johnny Hallyday, du moins pour les années 60, 70 et à la rigueur 80. Même les Sunday Rock, ils n'ont pas gardé les Sunday Rock. Voilà, pour préciser, voilà. J'ai eu ça de source sûre, hein. J'ai eu ça de source sûre. De Laurent Marcy, qui travaille sur RTL, bien entendu. Et même Sam Bernet n'a même pas d'audio de ces Sunday Rock. Je lui ai envoyé quelques documents. Voilà, on reste un peu sur Europe 1. C'était le 20 août 1974. Et dans l'émission, on s'appelait 567 Europe 1. Et on retrouve tout de suite Johnny Hallyday. Et bien, lors d'une petite interview. Et puis après, il nous interprète Peggy Sue. Tout de suite, en train de m'ériger. Non, en direct de chez moi. Johnny, est-ce qu'il t'arrive souvent de chanter les chansons des autres? Avant, oui, mais plus tellement maintenant. Plus tellement maintenant, parce que avant, c'était, disons que les chansons étaient beaucoup... La chanson d'avant, on les chante toujours. Maintenant, les chansons d'aujourd'hui, pour la plupart, sont les chansons qui font la carrière du disque, et puis après, on les oublie. Les chansons meurent plus vite aujourd'hui. Le rock'n'roll, c'est-à-dire que, par exemple, le rock'n'roll, tant que le rock'n'roll plaira aux gens, il y aura toujours les mêmes chansons du rock'n'roll, je veux dire celles qui avaient été écrites il y a 15-20 ans. Les grands classiques. Exactement, oui. Alors, nous venons de t'entendre dans une chanson qui appartient à ton répertoire. Nous allons maintenant, avec toi, voir et entendre les chansons que tu as choisies et qui appartiennent au répertoire des autres. Première chanson, pour moi, c'est une première surprise. Peggy Sue, une chanson qui a pas loin de 15 ans maintenant. Oh, à peu près, oui, pas loin, oui. Et qui avait été adaptée, créée en français par Richard Anthony. Oui. C'est une chanson que j'aurais aimé chanter. C'est une chanson qui avait été composée par Buddy Holly. Mm-hmm. Et Richard Anthony, qui a commencé à chanter un peu avant moi, avait fait donc cet enregistrement en français. Et j'ai toujours regretté parce qu'à l'époque, j'aurais voulu la chanter. Tu te souviens de ses débuts, ceux de Richard et les tiens? On vous opposait quelque peu. Oui, c'est vrai, oui. Mais Richard a commencé le premier. Il a commencé avec sa chanson La Nouvelle Vague et tout ça. Mm-hmm. Et puis moi, j'ai commencé peut-être un an plus tard. Alors, on considérait à l'époque que Johnny, c'était l'idole des voyous, alors que Richard, c'était l'idole des petits garçons gentils et bien élevés à sa maman. Hein. C'était à peu près ça à l'époque. Alors, Nouvelle Vague, c'était comment déjà? Tu te souviens, c'était... Une petite Angée et trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, c'est la Nouvelle Vague. Oui. Tu vois, même la voiture est un petit peu démodée maintenant. Hein. Remarque qu'avec le revival, il est possible que la petite MG, il y a 15 ans, redevienne... Oui, de toute façon, tu sais, quand on refait une chanson aujourd'hui, il y a toujours moyen de pouvoir changer les paroles, heureusement. Et puis de pouvoir mettre de nouvelles orchestrations. On mettrait Matra. En général, c'est pas une mélodie qui se démode. En général, c'est l'accompagnement qui se démode. C'est vrai. Et les paroles aussi. Alors, pour l'accompagnement, là, tu ne crains rien. Tu as tout ton orchestre avec toi. Et... Je te préviens tout de suite, on va la faire comme dans le même arrangement qu'on le faisait il y a 15 ans. Ah bon? Oui. C'est vraiment le revival. Oui. Écoutons cette chanson, c'est Peggy Sue. Good luck. On retrouve, non, on retrouve pas ça, malheureusement. Oh, je suis en train d'écouter en même temps les retours. On ne retrouve pas ce document dans ce CD-là que vous voyez là à l'instant. Mais sinon, c'est plein d'archives donc d'Europe 1 que je vous conseille d'avoir. Très peu de chansons, oui. À la rigueur, on va retrouver Peggy Sue, mais datant de 1966. Et ainsi qu'il y en a une autre, une chanson de Buddy Holly, c'est Peggy Sue. Et il y en a une autre, Le Parapluie aussi, qu'on retrouve en version 1965. 1966. On écoutera ça un peu plus tard en cours d'une autre émission ou sinon en direct à la radio quand on sera revenu. Je crois qu'on va rester un petit moment comme ça, confiné à la maison. Hein. On n'est pas bien comme ça là, tranquille. Je vois même qu'il y en a qui ont mis carrément cette émission sur grand écran. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Mettre cette émission sur grand écran. Vous me voyez en plus à la télévision. C'est pas courant. Hein. C'est de la télévision. Ce n'est plus de la radio. Et si on allait du côté de RTL, même cet extrait-là, ils ne l'ont pas gardé, je suppose. C'était Johnny Hallyday à la Grande Parade en 1979, le 16 juin 1979, et c'est un très très grand classique de cette émission Johnny de A à Z. On écoute ça tout de suite. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Le déserteur. Ça te va, ça, le déserteur? Monsieur le Président. C'est Jean-Paul Mingeon, Ricky Garzon et Serge Biondi, nos musiciens habituels qui l'accompagnent. Vous pouvez les applaudir. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers. Ah, il va peut-être se tromper sur la prochaine. Mon pote le gitan, Mouloudji, mon sang, Jacques Verrière. Ah bah non, celle-là, j'ai chanté quand j'étais petit. Ah, c'était hier alors. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. La mauvaise réputation, Brassens. Ah oui. Sans problème. Je sais pas. Oh là là, c'est faux. Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi. Je pars pour un je ne sais quoi. On ne t'aura personne en suivant mon train de petit bonhomme. Sylvie Vartan. Ça alors, 2 minutes 35 de bonne heure. Bref. Je ne ferai pas Carlos. Bon. Tu fais Carlos, alors? Ah bah, forcément. Forcément. Passez-moi un oreiller que je vais mettre sous le pull. 1, 2. Chaque soir, tu vas chanter. Oh, une des plus belles chansons. Qu'est-ce que vous me faites faire à mon âge, quand même? Oui. Allez, Pépé, la mer. Charles Trenet. Amenez-lui ses cadeaux. La mer. Qu'on va danser. Alors, attends, on commence. Vous allez chanter avec nous, là-bas, au fond? Trop de rythme, là, quand même. Ils ont du rythme, hein? C'est une mer d'huile, hein? La mer. Ah, une chanson que vous avez dû fredonner quand vous aviez 12-13 ans. Je me voyais déjà, Charles Aznavour, il n'avait pas écrite à l'époque. Quel est le meilleur ton, là? Je sais pas. Ça, c'est le bon ton, ça. Bon, on va essayer. Faut se calmer. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'était le plus grand des grands fantaisistes, devant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre mon tour. Ça aurait dû être plus juste. Non, c'est bien. Alors maintenant, la 9e chanson, un certain Sardou, un jeune qui débute. Michel Sardou, bon. La maladie d'amour. Je te signale que je crois qu'il nous écoute. Il nous écoute? Je crois qu'il nous écoute aujourd'hui. Bonjour Michel. Bon, alors, vous nous aidez, hein? On ne veut pas si c'est profit de ta chanson. Allons-y. Coucou. Elle court, elle court. Clopin. Oh. On parlait de Bruno tout à l'heure avec François Reichenbach. Voilà, c'est bientôt ton tour. Qui tient vraiment. Et je m'en vais. Clopin, clopin. Dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur s'enfèle. En promenant mon cœur s'enfant. Et pour la 1000e émission, Johnny Hallyday était de retour à la Grande Parade, donc sur RTL, donc le 16 juin, non, je dis des bêtises, le 4 février, oh, je vais arriver, le 5 février 1982, et oui, il n'y a pas de parachute quand on fait une émission en direct vidéo. Le 5 février 1982, Johnny participe donc à la 1000e Grande Parade sur RTL, et il interprète My Way. Ça va être très court. De temps en temps, vous aimez chanter My Way. C'est vrai. Là, Johnny est en train de répéter. Tranquillement. Il a repris les paroles. Vous vous prenez au dépourvu, là. Ah bah oui, parce qu'en fait, Johnny, vous n'avez pas tellement été prévenu de cette histoire-là. Parce que vous aimez ce genre-là, mais... Alors, on va essayer, Georges Rabol est au piano, et on va essayer pour vous, et parce que Johnny vous aime beaucoup et nous aime beaucoup, de chanter My Way. Johnny Hallyday. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full, a troubled age, and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it true, without exception. I planned each shadowed course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did my way. Yeah, there were times I'm sure you knew what I'd be off, more that I could do. But when all one was there was doubt, I ended up and seen it out. I made it all. Johnny Hallyday à l'antenne sur RTL. Oui, je me mélange les pinceaux, oui, je fais plein de petits réglages et tout ça. Et on fait une petite transition. Coucou, me revoilà, magnifique, magnifique. À présent, on va arriver, hop, on va aller sur RTL. Ça, c'est un document qu'ils ont gardé. Eh oui, bien entendu. Et qui a même été retranscrit sur la version deluxe de l'album L'Attente, c'est Johnny Hallyday. Donc, le concert très très privé à RTL, le lundi 13 mai 2011. On va le retrouver ici, directement, j'allais dire sur l'antenne du RIG. Oui, mais en quelque sorte, oui, RIG Maison. Voilà. Et on va retrouver Johnny Hallyday qui va interpréter différents titres de l'album Jamais Seul, qu'il avait écrit avec Mathieu Chédid a participé. On va retrouver l'histoire de vivre, Ma Jolie Sarah, guitare héros, fils de personne et la musique que j'aime. Évidemment, nous sommes en mode confiné. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, on va continuer ça encore pendant à peu près une petite demi-heure à tout casser. Hein, c'est ça? Vous en voulez plus? Ben, on verra ça demain. Ok, vous êtes prêts? On est parti. Voici tout de suite Johnny Hallyday à RTL en l'an 2011. Johnny Hallyday, en concert exclusif sur RTL. Anthony Martin. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue depuis le grand studio de la rue Bayard. Un grand studio, vous l'entendez, en fusion, en ébullition. C'est bon de partager des moments comme ça. Merci d'être là pour fêter des retrouvailles. Celui qui fait partie de la famille RTL depuis plus de 30 ans est en effet de retour dans notre grand studio. Pas seulement pour une interview, non, non. Pour plus que ça. Pour un concert très privé. Et c'est un événement puisqu'il n'a pas rechanté avec ses musiciens en live dans un studio d'RTL depuis 28 ans. Un moment privilégié, en toute intimité. Un avant-goût inédit et exclusif de la tournée qu'il entamera dans un an maintenant. Plus de 30 minutes de musique non-stop sur RTL. Derrière moi, sur scène, 7 musiciens prêts à en découdre avec toute la musique qu'ils aiment. Devant moi, les fans en surchauffe, qui ont déjà allumé le feu. Mais où est le patron? Il est où le patron? Mais il est là. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir pour son concert privé dans le grand studio RTL, Johnny Hallyday! Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ben c'est vrai que ça fait 28 ans que j'étais pas venu à RTL. J'ai l'habitude des salles un peu plus grandes d'habitude. Mais nous allons faire un concert très très privé entre nous, pour nous. En mode confinement. Et je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. Et j'ai un peu le trac ce soir parce que ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas chanté sur scène. Donc j'ai un peu le trac, quoi. Je vous le dis. Alors j'ai commencé par une chanson de mon dernier album, qui est une chanson que je pense que vous avez tous aimé. désolant. Amène-nous avec tous ceux qui vivent du temps. Johnny en live sur RTL le 30 mai 2011. Nous sommes en mode confiné, donc petit public avec nous, mais avec vous êtes avec moi aussi en petit public. Oui, oui, on est quoi, on est une quinzaine à regarder cette émission. Oui, je me suis planté, je sais. Oui, il fait chaud. Il fait chaud. Je pense que dans un an, je vais me retrouver sur scène. Pour 2h30 de spectacle. Waouh! En tout cas, le bonheur d'être avec vous, ça ne se compte pas. Ça se ressent. Titre suivant, Guitar Hero, qu'on retrouve sur l'album Jamais Seul de 2011. C'est un morceau qu'on aurait aimé entendre en live aussi. Mais je ressemble à quoi? Mais je ressemble à quoi? Avec cette guitare dans le dos. Oh, jamais. Je ne pourrai jouer. We'll be right back. mode confiné ce soir, confiné live. Merci. Petit public, petits auditeurs. Cette personne a été écrite en français par encore Philippe Lavaute. Merci Philippe. Pas fatigué, vous. La chanson que j'aimerais vous chanter maintenant, une chanson de Michel Mallory, mon vieux complice avec qui on a écrit. Je ne me rappelle plus le nombre de chansons, mais pas au moins 300 chansons ensemble, non? Cette chanson, elle parle de la musique qu'on aime, du blues, quoi. Qui m'accompagne ce soir à l'harmonica, mon harmoniciste préféré. L'incroyable Greg Slatt. À la batterie, Olivier Ferrara. À la basse, je vous remercie d'être avec nous ce soir, parce que ce ne sont pas d'habitude mes musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner dans mes tournées, quoique ça viendra un jour, je l'espère, parce qu'ils sont formidables. Mais je crois que

c'était le titre, la musique que j'aime bien entendu. Et on va se retrouver d'ici quelques secondes. C'est bientôt fini, non ? En exclusivité et en concert à RTL. Il n'y a pas à dire, Michel, tu vois, cette chanson, elle plaît toujours autant. Voilà, Michel Mallory qui se trouve là. Vous écoutez donc Johnny de A à Z, fait à la maison. On écrive d'autres, hein, ensemble. Ah, il m'inspire, ce garçon. Non, il donnera à quelqu'un d'autre ces chansons-là. Et si on partait du côté de Los Angeles en mai 2015 pour terminer cette émission, on va retrouver Johnny D d'ici quelques secondes avec trois titres. Je veux te graver dans ma vie, rester vivant et te manquer, les répétitions, donc pour le Rester Vivant Tour. Vous écoutez ? Oui, Johnny de A à Z, surérigé à la maison, en télétravail, ouais, c'est ça. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autoroute, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve. Soudainement je suis tombé, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. J'aimais courir, mais quand tu viens, je veux rester. Moi, oh, je suis sincère, je veux mourir, mais tu ne veux pas croire à tout. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Vous écoutez l'émission spéciale Johnny de A à Z, fait à la maison, oui, en direct sur Facebook. Nous sommes en mode confiné, la preuve, Johnny Hallyday est en répétition à Los Angeles, c'était en mai 2015, avec tout son groupe, bien sûr. Et voici tout de suite, Restez Vivant. Jusqu'à sa liberté, se retenir

mes mains et te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. Je serai l'étranger passant sous ta fenêtre. Je serai l'inconnu au détour d'un sentier. Je serai le danger que tu trouveras peut-être. Je serai devenu ton désir tout entier. Veux-tu manquer, te manquer, je voudrais. Alors je rentrerai lorsque je serai sûr de t'avoir tant manqué que tu n'en pourras plus. Tu m'ouvriras les bras et en moi je te jure que tu retrouveras tout ce qui t'avait plu. Je redirai les mots qui te faisaient sourire. Je te regarderai comme pour la première fois. Je lancerai de te manquer, te manquer, je voudrais te manquer, te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z ici à la maison. La vidéo s'est coupée, on va essayer d'y remédier, mais oui, ça va être raté. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une nouvelle émission en mode toujours confiné live. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et on se retrouve prochainement ici sur l'antenne de la maison, de la maison tout simplement. À bientôt et à tous, ciao ciao.